joue pas grimace, faut faire attention. Tiroti part et tourner la potion. Je fais péter, hype, ressort des marques. C'est Neymar qui a payé la caution. Je vais relancer la guerre de l'art. Trafic gros, ça perd de l'art. Redémarre, tranquille, quand tu pousses ton chino, tu niques ta mère de là. Bang bang, hype, aïe, au DJT. Blessé 9, 3 jours, DJT. J'ai fini, j'ai viré. Demande à Guy, t'en sens pas les couilles, DJT. T'avais oublié, t'avais oublié. Comment je suis chaud, gros, t'avais oublié. J'crois, j'vais tout plier, j'crois, j'vais tout plier. Pour 102 sur, j'ai le fameux dur, découpillé. Découpillé, faire baiser. Oh maro, tu vas me gaucher. Oh bah ouais, j'vais cliquer ton père, tu vas chanter. Papa, où t'es avec? Oh maro, pas le temps de souffler, c'est le 9-3, ça va vite. Sors la carabine à du placard, ça va vite. Écrase mon tête sur tous tes espoirs, sur toutes tes enseignes, pars de la rue, t'as ma bite. J'trouve pas les mots, j'ai tout baisé, c'est le terme. Mes 50 grammes dans le disque dur externe. J'rappe sur des gyros, zappe le reste, ici baisse. Passe le mic à faux tiro, j'vais leur faire au western. Je préviens si elle m'a déjà débordé à l'hôtel. Si je veux un feat, j'appelle sur mon phone test. Si t'as trouvé un beat, une guitare, si cherche un hit, ajoute un peu de flexion dans le cocktail. Envoyez vos champions pour les features open. Que des coquelets, j'te raconte pas l'open. Laisse-moi conduire, et c'était de construire. Ferme ta gueule, comprends ça pas la robène. En vrai, j'galère, j'ai des coups de blues. J'ai besoin de personne, remballer les coups de pouce. J'ai des coups tous. Sur la tête de ma grand-mère, que je les découpe tous. Le steak est là, faut croquer, ok. J'crois que lui, il est trop chaud pour le droguer. Préviens les petits, j'arrive en I. En rapteur quad, homologué. Transact narcotique dans mes CD. Envoie pas elle, personne va venir t'aider. J'fais pas de politique, pas de rap prophétique. Attaque soviétique, sur ses PD. On la veut en caillou, en caillasse, en cahier. Pas parce que tu sais pas photo, c'est pourri. On la veut en voyou, en faillade, en carré. Je le croissant et l'étoile à la fégoulie. Réouvrez l'enquête, on va passer par la force. J'ai bien la connexe, on va passer par la corse. Je vais cacher la fête, à cette heure à notre tête. Tu vas choper sur la tête, tu t'arrives par rapport. Ça envoie du gros son, balaye tous les pianos. VHR, promo, tournée piano. Tu savais, si tu savais. La cœur de sa thème à la Tunisiano. J'ai marché avec la tête si j'aurais su, j'ai dit. Tout ça chialé, mais pourquoi tu m'aides pas? Toi qui m'appelles même pas, on te promet que même pas. Il s'appelle tard le soir, en gros, ça suce des bits. Je prépare mon prime, quand j'ai pas ton time. Gentleman, il équipe accompagne. Le prochain fils de pute qui prononce l'action, on est ensemble, je fais basculer dans le vide, sur le pic de la montagne. Gardez vos histoires, emballez vos récits. Je te piquerai rangé les clés d'appétit. Quand je revois la hesse, faut te renvoie la cesse. Quand ça tire, c'est précis, sans faire assez Chelsea. Bang, bang, bang, bang, j'envoie la même derrière. Rafale dans les rues du 9, moi qui lutte cru. En buscade derrière, je te fais même pas pas de rue. Je me suis fait tirer dessus la semaine dernière. Écoute pas en BK, tu vas finir dans le rond-point. J'ai pris de la chasse, un peu dans bon point. J'ai la médaille d'or, gagne, j'aurais mis, je suis hors gamme. Après, j'ai vu mes orgues, la vie crame sur le bon coin. Les traites, ça arrive toujours pas du haut, je les sens. Ça demandera pourquoi t'es toujours plus haut. Redescend, reviens cacher la reste, elle veut des renaissants. Veut des clients restants, des billets plus haut restants. Fais couler tous les matchs dans les clubs d'instinct. Y'a pas de gadget, on rentrera bien ça. Moi, si je peux te confier, j'ai des potes conviés qui t'arracheraient ton billet pour une paire à 500. Un tour loup, loup, loup, en banlieue de Paris. Ça découpe, coup, coup, pour payer ses rallyes. J'en ai plus rien à foutre, ça fait pouf, pouf, pouf, pouf, pouf. Comme l'armée du Mali. Mali, Mali, Mali, on veut la coupe à Giroud.